La boussole. Dablaster MS. Tu connais ou pas? La poupou. Tout le monde dans le même bateau, hein? Tout le monde! Hey, tout le monde dans le même bateau, je combattant, j'attends pas que ça tangue. Je suis comme Goku devant Boubou, moi j'attends pas Satan. Je suis comme beaucoup, j'attends la fin du mois, pas la mienne. Je les mets tous dans le même panier, ceux qui m'ont vendu pour un yen. J'ai vu défiler des filles portant des collants effilés. J'en ai vu dévier des flics de peur de se faire enfiler. Mes gars sont fiers, je laisse les faux filets. Ils ont taillé mon cœur de pierre, c'est ma manière de les profiler. Je fais pas dans la simplicité, dans ma tête c'est la guerre. Comme dans les simplicités, trop de choses qui me donnent la chair. Bande des plus en sécurité, manque de maturité. M'as-tu vu dénaturé, devenu banalité, banalité. Qu'on se fait des bleus qui se banalisent. Les jeunes se cannabisent, nos rêves se canalisent. Analyse le changement. Y'a pas que mon nez qui s'allonge quand je monte. Y'a pas que la monnaie qui s'allonge quand je monte. Pas moi quand je monte, il me faut des escaliers. Je veux pas qu'on me laisse gagner comme Messi à la Coupe du Monde. Le tonnerre gronde, on se repère à la boussole. On attend la mousson, tous en rond dans un sous-sol. Je suis sous pilon, visage sous un panilon. Dilué dans du dilon, alors mon sourire en dilon. J'ai trop de frères, partis dans l'au-delà. Paraît qu'ils sont au ciel, donc je grimpe en haut de l'arbre. Le temps passe vite, j'accumule les regrets. Paraît que j'ai l'air aigri, le ciel est gris dans mon reflet. C'est les refrains qui m'aident à tenir la part. Chacun mérite sa part, mais ça traîne pété à la gare. Les riches se font la guerre, on a détruit la terre. L'humain court à sa perte, mais on aime trop chercher la merde. Je vous laisse ma place, l'amertume a l'air épaisse. C'était l'inspi de Dablast et la plume à RMS.